Le game, je l'envoie dans les cordes. Là, je suis en direct du quartier qui passe beau ou qui pleuve des cordes. Un jour, tu calcules, oh, c'est bizarre, on parle plus, ton cul d'accord. Maintenant, les jaloux traînent avec nous, les balances marchent normal dans la rue. Les traites se font discret, les schmitts vont tout le temps dans la vue. Que tu sois d'une banlieue, du centre ou même de la jupe. Que tu sois jeune, tu fumes la dub, si tu me cherches, je suis dans la zone. Insalubre, insalope, tu m'ignores, insalope. T'as oublié, insalope. Mes lunettes, c'est quartier, mon parfum, c'est quartier. Mon flow, mes textes, ma force, c'est le quartier. Je suis parti, je suis revenu, je peux pas avoir peur, c'est être intelligent. Force à mes détenus qui sont rentrés pour des délits grands jeunes. Qui passe pour une grande cause, gros et l'enjeu. Toi t'es là, tu me lèves la parole et tout ça pour pas grand chose. Mais c'est pas grave, moi j'avance, et où je suis fou, je vois que tu recules. Tu disais que t'irais plus au quartier, mais à chaque fois que je te vois là-bas, je raconte tes histoires, tu te prends pour Hercule. Et tu crois peut-être que tu peux me niquer parce que j'ai l'air cool. Et tu me dis qu'à rien, mais t'es chelou. Peut-être que sans le vouloir, au fond t'es jaloux. Et cette vie me fait mal comme une balle dans le dos. Qui est, j'ai du shit dans le doigt, c'est que tu m'as dit les dents gros. Moi j'ai souffert, j'ai fait ce que t'as pas su faire. Je sais que dans le game ça fait du fort parce que ça c'est que j'ai tout faire. Et tout franc, j'ai des gros trajets et ça ouvre pas les vitres. J'ai dans mon poteau d'aller doucement car tout peut aller vite. Allez clic clic, en vieux mets-moi la bite. Trop sens quand je te dis que j'ai allé voler avec Spock à la guine. Mais FIFA, je prends la gagne, je prends l'OM, carré croix, but de Cabella. Au quartier quand c'est endormi, je freestyle à Capella. Non, faut pour m'énerver, je suis très sage. Trop dégâts, là, tu me parles d'âme par message. Si j'avais su, j'aurais pas rappé pour pas que des gens maïssent. J'aurais aimé être discret comme cet agriculteur dans son champ de maïs. Égoïste, enculé, j'aime pas les égoïstes. Moi, j'aurais jamais fait la guerre de Troie pour un cul comme Paris. Alléluia, le poteau a de la beuh dans sa valise. Je sais pas si tu réalises, mais maintenant ce mec, je suis ce mec. Parce que sous sa caisse, il y a placé une balise. Vie de fou, ce que ça ferait pas pour des ralices. J'ai visé la lune en fumant sans modération. J'ai envie de toucher les nuages quand je posais dans l'avion. Des fois dans la vie, tu vois qu'il n'y a pas d'amis. Mais je sais pas, tu dis c'est rien, on va se reparler. Et quand tu lui reparles, tu vois que c'est pas pareil. Et c'est là que tu comprends que vos chemins vont se séparer. Ils me dégoûtent les gens, ils forment des équipes. Et quand ça les oublie une fois, ils font des phrases de fils de pute. Dès que je te parle avec le cœur, je vois que ta tête change. Pourtant c'est plus ton bien, je suis quand même pas un étranger. En chien, je suis parti voler dans des endroits perdus. Un qui guette l'équipe est au pied de biche, ça crée l'ouverture.